tout le monde. Comment allez-vous? C'est Thierry Gallet, c'est la saga des femmes fortes numéro 519. Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier 2022 et l'album de la semaine, ce sera Venus and Mars de Paul McCartney en 1975. On écoutera Venus and Mars, Rock Show. On écoutera également Love in Song de You Gave Me the Answer, Magneto and Titanium Man, j'adore, Call Me Back Again, et pour terminer, ce sera le... J'ai dernier instrumental, non pas celui-là, Treat Her Gently et Lonely Old People, qui sera évidemment de la très très bonne musique. Voilà, je m'entends mieux. Il y a quelques instants, je m'entendais très très peu. Tout va bien, merci la technique. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Cripple Inside sur l'album Imagine. En 1971, George Harrison nous chantera All Things Must Pass sur l'album, devinez, All Things Must Pass. Bien joué. Quant à Ringo Starr, ce sera I'm the Greatest, je suis le meilleur, ce qui est relativement vrai. Sur l'album Ringo en 1973. Voilà, pour le reste, je vous invite à nous retrouver sur le groupe La Saga des Femmes Fortes, sur le groupe Facebook La Saga des Femmes Fortes. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée jusqu'à 22h passée de 2 minutes. En principe, on a toujours 2 minutes de retard, plus ou moins, sans le faire exprès, bien sûr. Et voilà, bonne soirée. C'est Thierry Gallet, c'est La Saga des Femmes Fortes, et c'est parti. Chanson suivante, John Lennon sur RIG. En 1971, faisant suite aux introspections claustrophobiques de John Lennon Plastic Ono Band, l'album Imagine était plus enclin à regarder par la fenêtre pour se moquer du monde extérieur. Musicalement, il était certainement plus enjoué. Si la chanson Crippled Inside reste sombre dans son contenu et animée de la même volonté d'autoflagellation que les précédentes, elle est présentée de façon gaie et entraînante. Ses paroles sont une simple mise en garde. On ne peut pas utiliser d'artifice pour déguiser ses problèmes fondamentaux. Mais il fait appel à tout un ensemble de farces musicales pour faire passer le message. Un piano ragtime, rappelant le vaudeville américain, ou les chants des pubs anglais, se mêlent à la slide de George. Elle-même, un clin d'œil au country folk. Oui, parce que George était sur l'album de Imagine, le George Harrison, bien sûr. Donc, dans le courant rock par le band. En tant que chanson, Crippled Inside ne mène nulle part, mais elle y va avec un certain entrain. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. On vient de parler de George Harrison, le voici, dans une démo qui n'est sortie qu'en 2012 sur l'album... J'ai dit tout à l'heure que c'était sur l'album Things Must Pass. Apparemment, j'ai programmé quelque chose d'autre, décidément. Sur l'album Early Takes, voici la démo de All Things Must Pass. je me reprenne. Je dis des trucs et je fais autrement après. C'est l'âge. Est-ce que vous voulez, je vais avoir 58 ans cette année. Hein. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Surprise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up and has left you with no warning. It's not always. This my love is a bad but believing it's not always gonna be this great. All things must pass, all things must pass. Face another day, not a darkness only stays at night time. In the morning it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. It's not a little boy way back home in Liverpool. My mama told me I was great. Then when I was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. And now I'm a man. A woman took me by the hand. And you know what she told me? I was great. Avoir vécu tout ce que les Beatles ont vécu et puis se faire la tête très très très longtemps. En 1973, on a cru à une réunion des Beatles sur l'album de Ringo Starr. Pourquoi ? Parce que John Lennon a composé cette chanson, I'm the Greatest. Et il a dit d'ailleurs, il valait mieux que je passe cette chanson à Ringo parce que moi, si je chantais I'm the Greatest, ça faisait du très lourd, alors que si Ringo chantait I'm the Greatest, c'était plutôt sympa. Donc John Lennon a donné sa chanson, George Harrison a donné sa chanson et Paul McCartney aussi. Et les trois étaient présents, mais jamais en même temps, surtout en même temps que McCartney. Donc comme Ringo Starr c'est le bon copain, eh bien on allait voir Ringo Starr. Mais ce n'était pas une réunion de Beatles, non, pas encore. Et de toute façon vous étiez encore liés ensemble jusqu'en 1976 il me semble. Et ça ne s'est jamais refait, malheureusement, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais on a écouté quand même, depuis le début, McCartney avec Venus and Mars Rock Show, puis John Lennon avec Cripple Inside, George Harrison avec All Things Must Pass, la démo, messieurs, dames, et à l'instant, Ringo Starr avec I'm the Greatest. Avant d'écouter les Beatles, et ça apportera un petit peu de soleil dans votre vie, puisque ce sera Good Day Sunshine, il est temps de vous parler de du site qui vous permet de tout savoir sur les Beatles. C'est celui de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita ? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo.

Paul McCartney en 1976 sur l'album At the Speed of Sound. C'est également un très très bon album que je vous conseille, et un album particulier parce que celui-ci, comme le précédent, l'album de la semaine Venice and Mars, il a laissé ses copains, ses collègues du groupe Wings, chanter 2-3 chansons. Ce qui n'arrivait quand même pas très souvent dans les autres albums. Et pourquoi? Ben parce que c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, tout le temps, je vous dis, Paul McCartney, à partir de 70, je ne parle pas des Wings. Puisque, autant les Beatles, c'est 4 chanteurs. C'est 2 très grands compositeurs. Un troisième très grand compositeur qui va se montrer au fil des années 60. Et puis, un batteur sympathique et qui compose très peu. Mais qui est vraiment très, très sympa. Et surtout, qui a un rythme de batterie absolument fabuleux. Mais qui chante aussi. 4 chanteurs. Alors que les Wings, c'est le groupe de Paul McCartney. Donc, arbitrairement, j'ai décidé de l'appeler Paul McCartney directement, comme ça c'est plus simple pour moi. Bref, sur ces deux albums, Venus and Mars et At the Speed of Sound, il y a des chansons fabuleuses, comme dans 99,76% des albums de Paul McCartney. Pour le reste, les chansons sont juste à peine un peu moins bien, mais encore. Ta maman devrait savoir, ce sont les Beatles sur RG. Éric Gallet, animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Éric Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des femmes fortes. It's getting better. It's getting better. Paul McCartney a cherché toute sa vie des partenaires de la trempe de John Lennon, parce que pour cette chanson, par exemple, Getting Better, il disait, moi je dis, ça va mieux de mieux en mieux, et puis lui, John Lennon, disait, c'est de pire en pire en fait, ça devient de pire en pire. C'était lui qui avait l'idée de faire un contre-pied, de faire un truc comme ça, et ça passait vachement bien. Voilà comme ils étaient créatifs, c'est une sorte de ping-pong musical. Ils s'envoyaient des trucs l'un à l'autre et ça se passait très très bien. En plus, comme McCartney est gaucher et que Lennon est droitier, ils avaient leur guitare en miroir. Donc ils travaillaient souvent l'un face à l'autre, c'était plutôt sympa. Bon, ça c'est pour Getting Better. Maintenant je vous propose de retrouver John Lennon en 1972, mais pas sur l'album plutôt mauvais qui s'appelle Sometime in New York City, parce qu'il y a trop de Yoko dedans. Et vous savez que j'ai un petit a priori sur le côté artistique de cette dame-là. Je n'ai rien contre le fait qu'elle ait aimé John Lennon, ça, il n'y a aucun problème. Et que John Lennon l'ait aimé, on peut considérer que pourquoi pas. Mais côté artiste, j'ai vraiment du mal. Donc, je vous ai trouvé Baby Please Don't Go, pas la version live dans laquelle l'autre hurle et qu'on dirait un son de saxophone, mais fausse, pas accordé. Je vous ai trouvé la version studio qui existe sur Once Upon a Time, alias le John Lennon Anthology, sorti en 1998. Donc, sur RG, c'est Baby Please Don't Go, sans Yoko. Do for you right now. Oh, I love you, baby. Please don't go. Well, you know I need you, honey. Please don't go. Well, don't go. Sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Vous l'écoutez également sur www.rigfm.fr. Pour l'instant, nous revenons à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Venus and Mars, sorti en 1975 par Paul McCartney. Les Wings, si vous voulez, oui, je veux bien. Et voici You Gave Me the Answer. J'adore cette chanson. Elle est encore mieux en live sur le Wings Over America. Message de la radio avant la suite. Votre radio locale RIG a le don d'émettre depuis plus de 40 ans. Merci à tous les donateurs qui, en 2021, ont contribué à financer le remplacement de notre antenne. Grâce à vous, nous pouvons continuer nos émissions. Aujourd'hui, notre équilibre financier reste fragile. RIG est une radio associative non commerciale, ne réalisant aucun bénéfice. Vous pouvez encore nous soutenir par vos dons et ainsi aider RIG à vous proposer un programme de proximité, varié et de qualité. Notez qu'une attestation fiscale vous sera fournie afin de déduire de vos impôts la majeure partie de votre don. Contactez-nous par mail direction@rigfm.fr. direction@rigfm.fr. Someone else that you ought to know about, a little cat named Sifu Yao. And down in Chinatown, he's pretty well renowned. Is he ready to get happy? He can beat it out. Look out, brother, now he's got the hottest skunk in town. Well, you know about a Kokomo. He was boss long, long time ago. Afterwards, he kicked the can. That's when Mr. Yao became the number one. So if you're ready to get happy, you can meet your sister. Look, I tell your brother, he's got the hottest gong in town. Down there, you'll never feel alone. While you're moving with that rhythm, you're gonna swing them all while dancing on the floor. So, is you ready to get happy? I tell you, don't delay. Come on, baby, hear him play. He's got the hottest gong in town. Long, long time ago, afterwards kicked the can. That's when Mr. Yao became the number one. So if you're ready to get happy, you can meet your sister. Tell you, look out, brother, he's got the hottest gong in town. Well, you heard about a Smokey Joe. Someone else that you ought to know about, a little guy named Sifu Yao. And down in Chinatown, he's pretty well renowned. Is you ready to get happy? He can beat it out. We got brother now, he's got the hottest gong in town. The Hottest Gong in Town, une chanson extrêmement difficile à trouver, que vous retrouvez sur un album qui s'appelle Songs by George Harrison en 1992. Mais c'est également, ça fait partie du film Shanghai Surprise, sorti en 1986. Un film oubliable avec Madonna et Sean Penn, il me semble me souvenir, que j'avais vu à l'époque, mais qui ne m'a pas laissé un grand souvenir. Bon, bah écoutez, hein, c'est quand même... ça faisait partie du Handmade Films, qui était la maison de production de George Harrison, qui produisait également quelques films. Il a produit Monty Python, par exemple, Monty Python, vous savez ? Vraiment, ça je vous conseille les Monty Python si vous ne connaissez pas, c'est très très très très bien. Allez, on revient aux Beatles en 1968 par deux fois, avec sur l'album blanc un petit clin d'œil à mes copains de l'aéroport, puisque c'est Back in the USSR, et on entend dès le début les avions. Ensuite, il y aura Martha, My Dear, qui était le chien de Paul McCartney.

wouldn't be bad. Magneto was mad to turn into an prison animal. You just couldn't cut it no more. You were alone. We went to town with the library and we swung. Écouter la version de Wings Over America parce que, à l'époque, dans les années 70, Paul McCartney mettait encore plus de pêche dans ces morceaux-là, et c'est vraiment quelque chose d'absolument fantastique. Comme, j'allais dire, Maybe I'm Amazed, mais non, la version que je vais vous faire entendre, ça n'est pas la version de Paul McCartney, parce que nous en sommes déjà, je dois avouer que je suis un peu perdu, parce que je suis en train de discuter avec un ami qui est venu me voir dans le studio, et donc, comme on discute beaucoup à bâton rompu, de Paul, bien sûr, et puis d'autres choses, il se trouve que je ne suis pas très attentif à ce que je fais. Nous en sommes à la cover. La cover, je remets quand même sur les rails, hein, ça c'est le métier, qu'est-ce que vous voulez. Je me remets sur les rails. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en solo. Et cette chanson est faite par quelqu'un de connu ou pas, ça pourrait même être vous, si vous me proposez une belle version d'une chanson des Beatles. Et même si cette chanson-là était déjà une reprise par John, Paul, Ringo, George, je prends par exemple Baltimore Oriole de George Harrison sur l'album Somewhere in England en 1981, c'était une reprise qu'il chantait. Et bien là, c'est la reprise de Maybe I'm Amazed. Vous l'avez découverte, peut-être cette chanson, mais en tout cas ce gars-là, il n'y a pas très longtemps. C'est celui qui donne envie de manger, John Pizzarelli. Jazz, très jazz et très très sympa. Voici sa version de Maybe I'm Amazed. Enjoy. Understand. amazed at the way you helped me sing my song. Right me when I'm wrong. Maybe I'm amazed at the way I really need you. Sur 90.7, c'est la radio des Beatles, entre 20h et 22h. Et je vous ai dit, il y a quelque temps, pendant l'émission, que sur cet album et l'album suivant, Paul McCartney donnait un petit peu l'occasion à ses potes de chanter. Voici cette occasion. C'est sur l'album Venus and Mars, c'est Medicine Jar que je vais vous proposer, qui est chanté par Jimmy McCulloch, pas trop sûr de la prononciation, je demanderai à mon ami anglais dans quelques instants, qui avait composé la musique avec Colin Allen les paroles pour le groupe Stone the Crows en 1973. Mais la chanson n'a jamais été publiée par le groupe. Alors, il l'a proposée en 1975 à Paul McCartney, qui a dit « Ok, on la met sur l'album, la voici cette chanson ». C'est la première fois, je crois, qu'on le diffuse dans la saga des Fab Four. Say I know. anglais. Bien, clock, ça marche. Pour écouter également la version de Wings Over America. Une tuerie. Je regarde les roues qui tournent. C'est John Lennon qui nous disait ça en 1980. Vous êtes sur RIG, c'est la radio des Beatles. People say I'm crazy. Doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. Say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. Well, I tell them there's no problem, only solutions. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. Un petit peu en avance de façon à être sûr de ne pas oublier. Dans un peu plus de 40 minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Oh, we'll be right back. En 1969, sur l'album Abbey Road, Oh Darling, Paul voulait que sa voix soit à vif sur Oh Darling. Alors il l'a chanté des dizaines de fois chaque jour de la semaine avant de l'enregistrer. Je voulais que ma voix donne l'impression que je chantais sur scène depuis une semaine, déclara-t-il. Inspiré par les ballades rock de la fin des années 50, Oh Darling était une chanson sans prétention qui suppliait l'aimé de rester en échange d'une adoration éternelle. John n'a jamais apprécié la performance vocale de Paul et pensait qu'il aurait fait mieux, lui. C'était plus dans mon style, dit-il. Ouais, ben n'empêche que c'est Paul qui l'a chanté et que ça lui va très très bien. L'album de la semaine, Venus and Mars, Call Me Back Again sur RG 90.7, c'est vraiment la radio des Beatles entre 20h et 22h le mercredi soir. Just a little baby boy. Every night I would go home. Your number brought me joy.

Extrait de l'album Rock'n'Roll, justement, en 1975. À l'instant, c'était Bonnie Maroney. Pourquoi cet album a été créé par John Lennon? Tout simplement parce que lorsqu'il a créé la chanson Come Together, il a emprunté un bon morceau des paroles à Chuck Berry. Il me semble bien que c'était lui. Et il a eu un procès en lui disant « Il va falloir que tu nous payes quelque chose, sinon ça va pas aller. » Et il a dit « Bon, ben, à la limite, je paye pas, mais je vais chanter des chansons de Chuck, comme ça, ça pourra faire à peu près l'équivalent, il va toucher des droits. » Et puis il s'est dit « Ben, puisque je fais ça, autant faire un album rock'n'roll. » Donc ça a commencé en 1973, quand ça allait mal avec Yoko, quand il y a eu le Lost Weekend, qui a duré plus d'un an quand même, et en 75 est sorti cet album Rock'n'Roll, dans lequel John Lennon se rappelle de sa jeunesse quelque part, avec bonheur, parce que j'aime beaucoup cet album, il a une voix absolument fantastique. C'est comme ça qu'on aime notre John, voilà. C'était la petite anecdote au sujet de cet album-là, que j'avais envie de vous donner dans la saga des Fab Four, qui continue avec George Harrison. George Harrison. D'un album qui s'appelle Extra Texture, Read All About It. Cette ce titre d'album, il l'a trouvé sur une marque de pâte. Je pourrais pas vous dire laquelle parce que j'étais pas là au moment où il l'a trouvé, mais je vous ai déjà dit que George Harrison avait du mal à trouver des titres de chansons ou à trouver des noms d'albums. Eh bien, quand on lui a dit tu vas l'appeler comment l'album? Ben, je sais pas, il prend un paquet de pâtes, extra texture, read all about it. Allez, ça va s'appeler comme ça. Et voilà l'histoire de ce titre d'album avec Grey Cloudy Lies que vous venez d'entendre il y a quelques secondes sur RIG. Ringo Starr, en 1992, extrait d'un de ses meilleurs albums. L'album s'appelle Time Takes Time, le titre What Goes Around. Très, très Beatles, écoutez. When you hear that sound, what goes around? C'est beau, hein? On dirait du Beatles. Pour la chanson suivante, vous allez être surpris si vous ne l'avez jamais entendue. C'est en public, c'est en 1974, lorsque John Lennon avait fait écouter à Elton John l'album qu'il était en train de préparer, Walls and Bridges, et il lui avait dit « Quelle chanson te paraît bien ?» Il avait dit « Whatever gets you through the night, ça va être ton numéro un, tu vas voir, ça va être vachement bien. » Et ils avaient fait un pari, et Elton John avait dit « Si c'est numéro un, tu viendras sur scène avec moi. » Et il a tenu parole, John Lennon, alors qu'il avait les pépettes, il avait la trouille de remonter sur scène. Et sur scène, enfin plutôt dans le public, il y avait Yoko Ono, oui, elle. Et c'est à partir de là que le Lost Weekend s'est terminé, ils se sont remis ensemble très très vite. Bon, mais il a chanté quelques chansons, il a chanté « Lucy in the Sky with Diamonds », une autre qui me vient pas tout de suite parce que nous sommes en direct et que je n'ai pas eu l'intelligence de vous préparer ces chansons-là pour vous le dire. Et cette troisième-là, qui est introduite par, c'était la chanson chantée par un old fiancé of mine, à savoir Paul McCartney. C'est peut-être, c'est même sûr, la seule fois qu'on entend John Lennon chanter « I saw her standing there » en live en plus, en 1974. Allons-y. Dans quelques minutes, ou dans très peu de minutes, ce sera Eric et son Johnny de A à Z. Pour l'instant, voici George Harrison. You're a soft touch, sur RG, dans la saga des Fab Four. Baby, like a snowflake falling on savez ce que c'est la saga des Fab Four. À partir du moment où on arrive, on approche de la fin, on veut toujours encore un petit peu plus de rap, s'il vous plaît, monsieur. Non. Si, il a dit d'accord. Donc, puisqu'il a dit d'accord, eh bien, on enchaîne avec un petit truc sympa pour terminer l'émission. Me and Weston Worcester sleeps in the park, shaves in the dark, trying to save paper. Sleeps in a hole in the road, saving up to buy me some clothes. Keeps a 10-bob note up his nose. Such a mean old man. Such a mean old man. His sister Pam works in a shop. She never stops. She's a go-getter. Takes him out to look at the Queen. Only place that he's ever been. Always shouts out something obscene. Such a dirty old man. Dirty old man. When you see polythene pan, she's so good looking but she looks like a man. Well, you should see her in drag dressed in a party bag. Une autre fois parce qu'on est à la bourre. Donc merci d'avoir écouté cette 518 20h 99 500 519e édition de la saga des Fab Four. Je vous laisse entre les mains du meilleur, celui qu'on appelle The Boss dans la radio. C'est Eric dans quelques instants pour Johnny de A à Z. A très bientôt, salut, ciao.